À l'occasion du 9e anniversaire de la publication de l'historique déclaration du 4 octobre et du 36e anniversaire de la proposition de fondation d'une République fédérale démocratique du Coréen, les diplomates chargés des relations culturelles et d'amitié des ambassades de différents pays en Corée ont visité le 6 courant, le monument à la triple charte pour la réunification de la patrie. Ils ont visité également le palais du lieu sacré de Taekwondo et vu la démonstration des taekwondoïstes coréens.